Pourquoi faut-il habiter quelque part? Parmi les besoins les plus familiers, les plus fondamentaux, mais aussi les plus oubliés et les plus méconnus des êtres humains, il y a celui d'habiter quelque part, le besoin d'avoir une habitation. Et peut-être que l'une des raisons pour lesquelles nous l'oublions, c'est que justement, quand il est satisfait, nous n'avons plus besoin d'y penser. Il a quelque chose de si fondamental que quand il est réussi, c'est un peu comme l'éducation ou la santé, quand il est réussi, nous passons à autre chose et c'est justement ce qui prouve son importance. C'est ce que voulait signifier le psychanalyste anglais Donald Winnicott par une des phrases les plus profondes peut-être de toute l'histoire de la philosophie du XXe siècle. Quand il définissait, avec un mot anglais pourtant indéfinissable, quand il définissait le home, le chez-soi, de la façon suivante, « Home is where we start from ». Le home, le chez-soi, est ce à partir de quoi l'on part, ce d'où l'on part, en double sens du terme, c'est au commencement, c'est d'avoir un home, et en même temps, quand ça marche bien, c'est ce qui nous permet de sortir et d'explorer le monde. Le home, c'est ce qu'il faut aussi quitter, comme l'oiseau quitte le nid une fois qu'il a grandi, comme la capacité d'être quelque part, d'habiter quelque part, d'avoir un lieu à soi, s'atteste par la capacité de partir, explorer le monde et aussi d'accueillir dans son chez-soi tous les voyageurs du monde. Ainsi, le besoin fondamental d'avoir un chez-soi, d'habiter quelque part, n'est-il profondément réussi quand il est dépassé tout en étant en effet satisfait, car cela reste un besoin fondamental et il faut se demander pourquoi. Mais le signe que ce besoin est fondamental, comme la santé et comme l'éducation, c'est qu'on s'en souvient quand ça va mal. Et peut-être il faut voir un signe d'inquiétude quand le chez-soi devient une revendication et même parfois l'objet d'une sacralisation absolue. Quand on dit, comme certains politiques extrêmes, « nous sommes chez nous », ça veut dire l'exclusion et non pas l'accueil, ça veut dire l'incapacité à en sortir et le fait de s'y enraciner, parfois jusqu'aux ancêtres, parfois en revendiquant le chez-nous à travers la terre des cimetières. Ce chez-soi un peu effrayant, qui n'est plus vivant, mais qui, par son angoisse même, l'angoisse d'en être dépossédé, se traduit par une sacralisation et une revendication exclusive. D'une certaine façon, ces excès même, ces abus, ces violences, nous montrent en quoi le fait d'habiter quelque part est un besoin des vivants, et comment il faut y répondre, et cela pour tout le monde. Nous avons tous, les humains, mais aussi les autres vivants, ce besoin vital de s'inscrire dans un milieu que nous construisons de manière familière, un lieu, quelque part, une part du monde, aussi petite soit-elle. Le fait d'habiter n'est pas secondaire. Habiter est la condition du monde, la condition du vivant. Nous ne sommes pas d'abord dans le monde tout nu et ensuite dans un habitat, c'est le contraire. Nous sommes d'abord en train de construire un habitat pour explorer ensuite l'univers.